بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لنا أسألك في صوتي من أسمع صوتك فالناس quand je te parle ils savent pas que je parle à l'enfant هم تعالوا قرب حتى نسمع صوتك إن شاء الله طيب امس اخذنا درسا اخذنا القاعده الثانيه الدوزيام هاي ووعدت لك انني ساسالك في مساله معينه كنت قلت promis j'allais t'interroger sur une question particulière اولا كم الشفاعه احسن شفاعتان دو شفاعه ما هما مثبتة ومنفية أحسنت لو زدت تجيب إن شاء الله المنفية ما هي إذا أجبت على هذا فعلى ما بارك فهمت أكثر من كثير من المسلمين اليوم أنا أعلم أنك فهمتها لكن ممكن ما تسيت تعبر أيوة لكن ما معنى سأجعك وشفها يعني منفية ما معنى هذا؟ إن لم تعلم قل الله أعلم ما في شيء ما في عيب أصلا جئت بخير كثير ما شاء الله نسيت؟ سأل طيب ما عليك أصلا قد وافيت بالأحد اتفقنا على شيء أنت جئت به ما رأي ما شاء الله جزاك الله خير قبل هذا سيكوا لا شبهات دي مشركون dans leur fait d'invoquer autre que Allah car ils disent qu'ils veulent s'approcher d'Allah donc c'est quoi leur شبهات ايوا اتخذوها وسائط ils ont fait des intermédiaires entre eux et Allah نعم Car ils reconnaissent que ces divinités qu'ils adorent n'ont rien créé, ne donnent pas la vie, ne donnent pas la mort. Cependant, ils les voient comme étant un moyen de se rapprocher auprès d'Allah. Par contre, ils attendent d'eux des choses que cela-là est capable d'accomplir. Comme par exemple, attirer un bien, repousser un mal, donner des enfants, et la shafa'a. En argent, il y a la shafa'a, l'intercession. Shafa'a, Zakara Abdul Kuddus, il a dit qu'elle était de deux sortes. Menfiya ou Muthbata. Menfiya, c'est celle qui refusait, Muthbata, c'est celle qui affirmait. Maya al-Muthbata. Elle ta'alam. Faddal. Celle qui acceptée. Naam. Yani, c'est quoi ses chouroutes, ses conditions pour qu'elle soit acceptée? Que l'intercesseur soit agréé, par Allah. Naam. Non, Arsent. Yani que l'intercesseur ait l'autorisation d'Allah en fait. Il est l'izn, bard l'izn. Et que celui pour qui on intercède, d'intercéder, aïwa soit agréé. C'est-à-dire qu'il est. Qui est-il? De quel genre de personne faut-il partir? Il est les gens de Tawhid. Aïwa, les gens de Tawhid. Non, Amal kafir, mushrik, la shafa'ala. Illa wahidan. Celui qui a une shafa'a, c'est Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La shafa'a qu'il a eue a été khas pour lui, et juste ça a été un tarfif de son azab, que son châtiment était amoindri, c'est tout. Il n'est pas entré au Jannah, il est mort mushrik, à la millet Abdul Muttalib. Tayyib, wa al-shafa'a al-manfiya, indak ma hiya. طلب نعم احسنت فكر Celle qui est refusée, c'est celle qui est recherchée auprès d'autre que Allah, dans ce que seul Allah est capable d'accomplir. Ça ressemble au même tafsir des ibadat qu'on a pris dans Ful Salata, dans l'espoir, dans la peur, dans le dua, dans Ghayr Zalika. Qu'à la Shafa'a, on peut en faire une. Fin de Shafa'a, dans ce qui était permis, dans ce qui était possible. Et de demander cette Shafa'a d'autre que Allah. Adam Afoum. Wallahi, fil haqiqa, ces durus, en vrai, ils pourraient être extrêmement courts. Ce qui prend du temps, c'est la tarjama. C'est la traduction, en vrai. Car ce sont des règles, alhamdoulilah, elles sont claires, elles sont simples. Les hadillah, pas la peine d'avoir 10 versets. Un verset te suffit. Un hadith te suffit. Si tu as retenu, alhamdoulilah. Et même avant ça, si tu as compris la règle, c'est encore un khayr. C'est des choses simples à comprendre. Je ne dis pas que le tawhid s'en prend en une assise. Non. C'est-à-dire qu'il y a des masa'il, elles sont faciles à expliquer. Elles prennent pas, genre, pas besoin de s'asseoir pendant 4 heures pour comprendre certains sujets. Certains sujets, ils sont simples. Tu as le dalil, tu l'as compris, khlas. Après, il faut assimiler, après, il faut appliquer par la suite. Et ce livre-là, ce n'est pas tout le tawhid. C'est des masa'il dans le tawhid. Tawhid, c'est un verbe qui est très large. Mais ce livre contient des masa'il importants sur lesquels les gens ont beaucoup d'ambiguïté aujourd'hui. Même avant. Non. Ba'da hada. Car les meilleurs durus sont les plus courts. Quand c'est court et concis, ça reste dans la tête. Quand c'est long, c'est ennuyeux. Et c'est lourd. C'est la vérité. Mais le problème, c'est que lorsqu'on traduit, si on fait tout en français, il n'y a pas trop d'estifada au point de vue de la langue arabe. Et si on fait tout en arabe, les autres frères, pour qui à la base, on espère pour faire profiter, ne vont pas comprendre. Wal baraka min Allah. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس مفتدقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم والدليل قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله والدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم من تتخذوا الملائكة أربابا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين أولا نقفنا أبقوا من وصعيت لا إسي يالتون وفخى لسويت سنو صعيت لا طيب Donc la troisième règle, elle ressemble à des choses qu'on a déjà citées dans les autres durus, qui sont que... Attends, d'abord on va lire le kalam de Mouallif. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu au milieu de gens qui étaient divisés dans leur adoration. Parmi eux ceux qui adoraient les anges, parmi eux ceux qui adoraient les prophètes et les gens pieux, et parmi eux ceux qui adoraient les arbres ou les pierres, parmi eux ceux qui adoraient le soleil, la lune. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans diviser ou sans différencier entre eux. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Là, dans le verset, c'est fitna. La kine, le sens de fitna ici, c'est shirk, ou mécréance. Et que la religion soit entièrement pour Allah. Donc, ça, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans différencier entre eux. La preuve du soleil et de la lune, qu'il ne faut pas les adorer. La parole d'Allah dans le sens où il dit, parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. La preuve des anges, c'est-à-dire qu'il ne faut pas adorer les anges. La parole d'Allah où il dit, dans le sens, et il ne vous a pas ordonné de prendre les anges et les prophètes comme Seigneur. Arbab. Et la preuve sur les prophètes, qui n'est pas permis de les prendre en tant que divinité, dans le sens où il dit, et lorsque Allah dit, ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens de me prendre moi et ma mère comme divinité en droit d'Allah, il dit, Subhanak, gloire à toi. Il ne me revient pas de dire ce qui n'est pas de mon droit. Si jamais je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi, dans ton nefs. Et tu es certes le grand savant de l'invisible. Non. Donc la règle, le khulasa de cette règle-là, avant d'arriver d'en venir au kalam du Sha'arir, c'est que tout simplement, il n'y a pas de différence dans ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un homme pieux, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, tout cela est du shirk, il n'y a pas de différence. Donc sous le salafa, on l'avait pris. On l'avait pris que Allah ne permet pas qu'on invoque avec lui un ange rapproché ou un prophète, qui sont parmi les meilleurs des créatures. Donc que dire de ce qui est en dessous de cela? Il n'y a pas de différence. Il y en a Allah, quand Allah dit « Wa'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a » et adorer Allah et n'invoquer, on ne lui associe rien du tout. Shay'a. Yani nakira fisiyak. Ennafi un nahi yufid al-umum. Une chose qui est indéfinie dans une phrase négative ou de sens d'interdiction, cela prend un sens de généralité. C'est-à-dire rien du tout. Il n'y a pas d'exception dans le shirk. Il n'y a rien qui fasse exception au shirk. Rien du tout. C'est mutlaqan. Donc des gens, ils ont cette chouboette de dire que moi, on l'avait dit dans l'autre cours, j'adore pas une pierre. Moi, j'adore pas un arbre. Et je sais qu'ils n'ont rien créé. Juste, je prends un prophète comme intermédiaire, car ce sont les meilleurs des créatures. Il va se dire qu'elle m'allie en cela. Mon but est de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, les versets cités, là, te prouvent le mal qui est en cela. C'est le plus grand des mots. C'est le plus grand des mots. Toi, tu le vois simple. Et ce qu'il y a de pire que tu es en train de faire là, le shirk. Quand même. Donc, Cheikh Zayed de Matrali, il dit. On va sauter certaines parties pour résumer à l'essentiel. Min huna mubashara. قال هذه القاعدة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله والناس مفترقون في عبادتهم ونحلهم ومللهم ومذاهبهم في العقيدة وغيرها يجمعهم الإشراك بالله تبارك وتعالى وإن تنوعت معبوداتهم ويجمعهم وصف واحد وهو أنهم مشركون ويجمعهم وصف واحد وهو أنهم مشركون فذكر المؤلف بأن منهم أناسا يعبدون الملائكة ويصورون صورا ويدعون بأنها تمثل الملائكة فيعبدونها ولها وينذرون ويذبحون به وبها يستعيثون ويستعينون ويطلبون المدد من جلب المصالح ودفع المضار التي لا تطلب إلا من الله العزيز الغفار. Dans cette règle, l'auteur démontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé au sein de gens qui étaient divisés dans leurs adorations, dans leur religion, et dans leur doctrine, et dans leur croyance. Par contre, ils étaient unis sur une chose, c'était le shirk. Tous réunis sur le shirk, ou quel que soit le genre de leur divinité. Et qu'ils ont une seule et même description. Malgré leur division, ils sont mushrikoun. On applique sur eux les mêmes termes. Mushrikoun. Qu'ils adorent ce qu'ils veulent, ce sont des mushrikoun. Donc il cita que parmi eux, certains adorent les anges qu'ils les représentaient, et ensuite il prétendait que ces représentations étaient des anges, parce que l'ange, on ne peut pas le voir. L'ange est une créature du monde invisible. On ne peut pas le voir. On peut le voir s'il vient sous une apparence humaine, mais sous sa vraie apparence, on ne peut pas le voir. Donc eux ont fait des anges sous une certaine forme qu'eux s'imaginaient. Même aujourd'hui, par exemple, on voit les mécréants, on fait l'ange une forme, ça vient de leur tête. On ne sait pas, parce qu'on n'a jamais vu un ange. On voit un petit garçon tout nu avec des petites ailes. Ou un homme comme ça, grand, avec des ailes. Les anges n'âmes ont des ailes. Ça, c'est ma'alouf. La dilla sont claires. Est-ce qu'il a l'apparence humaine en dehors de ça? On ne sait pas de quoi il ressemble, l'ange. L'ange, par contre, Allah lui a donné la capacité, ou à certains anges, de prendre la forme d'un être humain. Quelle est la preuve? Le hadith de Jibril. Jibril alayhi salam est venu sous la forme d'un homme. Même le shayatin, ou les, parmi les djinns, certains ont cette capacité de pouvoir prendre la forme humaine. Quoi qu'il en soit, eux ils faisaient des représentations de ces anges, puis les adoraient. Pour eux, ils faisaient des vœux, ils égorgeaient, ils recherchaient du secours auprès d'eux et de l'aide auprès d'eux, c'est-à-dire dans ce que seul Allah est capable d'accomplir. On a expliqué ça. Et demander aux anges de leur apporter le bien et de repousser le mal. Donc c'est des choses que seul Allah, comme on l'a dit, peut faire. Donc cela est du shirk. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين وكذلك يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله والواحد الغفار الواحد القهار. Et parmi eux, certains qui adorent les prophètes et les gens pieux et ont les mêmes causes, mêmes objectifs que ceux qui adorent les anges. D'apporter un bien, donc repousser un mal. Dans ce quoi seul Allah est capable d'accomplir. ومنهم من يعبد الأحجار والأحجار كما وحل كفار قريش والعرب والأحزاب حتى إن المسافرين منهم كانوا يحملون أحجارا ويسنبون بعضها لقدورهم وينسبون بعضها آلهة ويعبدونها من دون الله وهذا يدل على جهلهم الشنيع أنهم يستخدمون البعض يؤلهون البعض الآخر ويؤلهون البعض الآخر بل ويأكلون بعضا في بعض أحيانا. طيب. Et parmi eux, certains qui adorent les arbres ou des pierres, comme ce fut le cas de qui, de Quraysh. Par exemple, l'arbre, c'était quoi? L'arbre, c'était l'Uzza, c'était un arbre. Al-Lat, c'était une idole. Ou Al-Manat, c'était un rocher. C'était un rocher, donc une pierre. Et parmi le comble, c'est que certains d'entre eux, parmi les Quraysh, partaient en voyage, prenaient des pierres avec eux. Et parmi ces pierres, certaines, ils s'en servaient pour en faire un lieu de cuisson pour leurs marmites, et d'autres, ils les dressaient pour les adorer. Les mêmes pierres. Même pierres. Donc cela démontre leur, cette ignoble ignorance qu'est le shirk. Car cela ne provient que de l'ignorance, d'agir de la sorte. C'est-à-dire, tu t'en sers d'ustensiles pour certains, d'autres, tu les adores. La ilaha illallah. Et ça, ce sont des choses que seuls leurs shayatines leur ont insufflées, comme le shirk par la suite. Et il y en a d'autres qui adorent le soleil et la lune, comme As-Sabi'a. Sabi'a, c'est traduit par les Sa'abéens. C'était aussi une communauté à l'époque, une grande communauté. Et parmi eux, certains étaient des Mouahidoun. Parmi eux, certains étaient des gens qui adoraient Allah seul. Comme parmi les juifs et parmi les chrétiens, certains étaient des Mouahidoun. Comme les gens du livre, qui n'ont pas changé leur religion, qui étaient sur ce quoi Isa est venu, ou qui étaient sur ce quoi Moussa était venu, je parle à leur époque, hein. Pas après, après c'était Mansour, c'était abrogé. Parmi ces gens-là, certains étaient des vrais croyants, mais d'autres adoraient le soleil et la lune. Alors que Allah SWT a créé la lune et le soleil pour des faits, pour des besoins, ou pour nous aider dans beaucoup de choses dans notre quotidien. Comme il dit dans le sens, ou comme il dit Allah SWT, وَالْقَمَرْ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلْ. Et la lune, nous en avons fait, nous avons déterminé des phases avec, des phases lunaires comme on dit, pour connaître le temps. وَجِرَ الْشَمْسَ سِرَاجَ. Nous avons fait du soleil une lampe, c'est-à-dire ça nous éclaire. La lueur du jour, d'où nous provient-elle? Le soleil. وَفِي قُولِ تَعَالَى وَجِرَنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Nous avons fait une lumière ardente. C'est-à-dire le soleil également apporte de la chaleur. La lumière de la chaleur. C'est la différence qu'il y a entre un nour ou un dou. Un dou, c'est une lumière qui dégage de la chaleur. Ou un nour, c'est une lumière simple. Wa qala ta'ala, kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layl sarmadan ila yawm al-qiyamah. من إله غير الله يأتكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Dans le sens où Allah dit, avez-vous donc vu que si Allah مثلاً rendrait la nuit permanente jusqu'au jour du jugement, qui donc vous apporterait une lumière? Qui donc, ou quelle autre divinité pourrait vous apporter une lumière en dehors qu'Allah? Et il dit, avez-vous vu que si Allah rendrait le jour permanent jusqu'au jour de la résurrection, qui donc viendrait avec la nuit afin que vous puissiez vous reposer? Ne voyez-vous donc pas? Tout ça, ce sont des versets, on appelle ça Su'al Inkari, des questions en guise de reproche. Taubir. C'est une question, en fait, on n'entend pas de réponse. C'est pour te blâmer. C'est pour te blâmer. Car la réponse, elle est connue. Mais juste pour te faire réaliser, en fait. Donc, tout cela, ce bien apporté, c'est Allah qui te l'apporte. Donc, comment peux-tu te diriger autre que lui pour demander cela? Donc, là, le shahid, c'est que ces versets-là démontrent que la lune et le soleil ont été créés pour des raisons particulières. On est bien fait en tirer. Et non pas pour être adoré. ثم قال الشارح وحذر الله عز وجل من صرف شيء من العبادة للشمس والقمر كما في قول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc Allah il a mis en garde contre le fait de tourner les adorations pour la lune et le soleil, comme dans sa parole où il dit parmi ses signes la nuit et le jour, il est réalisé avec le verset. إذن المشركون الذين عبدوا غير الله عز وجل من تلك المعبودات المتعددة الأنواع صرفوا العبادة إلى غير الله وكانوا بذلك مشركين شركا أكبر فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين النحلة ونحلة لأنهم يجمعهم الشرك بالله تبارك وتعالى فبئس ما كانوا يعملون. Donc de là les mushrikoun qui ont adoré autre que Allah parmi ses adorations sous toutes ses formes, par ce fait sont devenus mushrikoun, associateurs de grands ou plutôt de shirk majeur, de shirk majeur. Donc de là le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus sans différenciation entre eux. Quelle est ta religion à toi, ou toi, ou toi, ou toi? Le shirk, comme yokol, la mécréance, c'est une seule et même religion. Tous, il y a des branches entre eux, mais à la base, leur religion est une seule, ça s'appelle la mécréance. Après, ils se divisent dans la façon de faire. Mais la mécréance, c'est une seule religion. Mais c'est l'iman. Millat wahida. L'iman, al-tawhid millat wahida. Donc, quelle mauvaise chose qu'ils faisaient. Et de là, ils ont été combattus. Et comme Al-Fawzan, il le cite, que tu vois que les gens, même bien qu'ils sont la chose qui les unissent, c'est le bâtil, mais même entre eux ils divergent. Ils sont divisés, les gens du shirk sont divisés. Les gens du faux là-bas sont divisés. Un il adore une pierre, l'autre te dit moi mon arbre est meilleur que ta pierre. L'autre va dire bah moi, une idole est meilleure que ton arbre. L'autre va dire bah moi, l'ange que j'adore est meilleur que ton arbre à toi, ainsi de suite. Les gens du tawhid unis. Allah. Ils adorent que Allah seul. Comme les gens de la bida, tu vois, tous les sectes sont tous divisés. Les gens de la sunna, ils sont unis. Il y a des divergences internes sur des choses qui peuvent être arrangées, mais à la base, leur ménage, il est wahid. Tu verras très peu de divergence entre eux. C'est une divergence, c'est un qui a fait un ijtihad sur une chose sur laquelle l'ijtihad est permis. Ou alors, il aura fait une chose qui n'est pas bonne, il sera blâmé pour cela. Mais à la base, le ménage est wahid. Mais les gens du faux de la bida, tu les verras, ils divergent entre eux. Ils s'unissent sur un bord à l'info, mais entre eux, c'est la guerre. Tu dépenses unis, les cœurs sont divisés. Cela pourquoi? Car ils sont un peuple qui ne raisonne pas ou qui ne réfléchissent pas. Et le verset s'appliquait pour les gens de la bida. Puis il cita le verset justement où Allah s'entala interroge Isa, lui demandant est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de me prendre comme divinité, moi et ma mère. Donc là ce verset est venu pourquoi? Pour démontrer que les prophètes ou gens pieux qui ont été adorés par la suite n'ont pas agréé cela. Issa s'en est innocenté. Les gens qui prennent Issa comme divinité aujourd'hui, Issa n'a rien à voir avec eux. Et il viendra, parmi les signes de l'heure, il viendra et cassera la croix. Cette croix qu'ils ont pris comme symbole, représentant Issa crucifié, il viendra et va la casser. Il va tuer le porc. Il va poser la jizya. il va juger que les lois de l'islam. Alayhi salam. Donc les chrétiens à ce moment-là seront. Ils sont perturbés, ils ne sont plus vers qui se tourner. Issa, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire c'est pas lui, Issa. Les bons d'entre eux, ou ceux qui ont un moindre mal d'entre eux, vont se convertir, vont accepter. Les autres vont se. Ils vont s'enfler d'orgueil et vont dire c'est pas lui, Issa. Comme les juifs, ils ont fait. Quand Issa est venu, Issa, ils ne l'ont pas reconnu. Ou comme Mohammed, ils ne l'ont pas reconnu. Bien qu'ils savent. Donc ces gens-là adorent des gens pieux ou des prophètes. Et ces prophètes, ces gens pieux, sont innocents d'eux. Et n'ont jamais appelé à cela. D'ailleurs, celui qui appelle à cela, c'est un tarout. Voilà, on l'avait pris dans le salat. Celui qui appelle à son adoration, ou qui adore et qui l'agrée, c'est un tarout. ثم قال وهكذا كل صالح عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه يتبرأ ويتبرأ من أولئك العابدين ولا يعترفوا بعبادتهم. نعم, comme on vient de dire, là, même les gens pieux qui seront pris comme divinité, malgré eux, ne vont pas agréer cela, ils seront innocents de cela. Qui sera blâmé pour cette adoration? Celui qui l'aura faite. Celui qui était adoré lui-même dira, moi j'ai jamais appelé à cela. J'ai mis le son de cela. Donc celui qui l'aura fait sera blâmé tout seul. Et l'autre dira, je suis innocent de toi. Je ne t'ai jamais appelé à cela. Belle, j'ai combattu cela de mon vivant. Et j'ai appelé à l'opposé. Naam. Donc là aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et demain, Inch'Allah, on finira en prenant la quatrième qaïda qui est très courte. Pour remplir le ders. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris la règle qu'il n'y a pas de différence dans le shirk. Il n'y a pas de différence dans le shirk, celui qui fait du shirk, quelle que soit la chose qu'il ait pris comme divinité, il aura commis le plus grand des péchés, que ce soit un arbre, un ange ou un prophète, le soleil ou la lune, tout cela est le même jugement, et Yom Al-Qiyama, s'il meurt dessus, sera parmi les gens du feu éternellement. Et il mérite d'être combattu. Il mérite d'être combattu. Et comme on l'avait dit hier, c'est la Shubwa des Kubuliyoun, ça. Qui disent que nous, on adore, plutôt, on invoque cet homme pieux dans sa tombe pour qu'il intercède auprès de nous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit, ben vous, que ce soit un ange, ou un homme pieux, ou une pierre, ou une lune, vous tournez une adoration qui est propre que Allah, c'est-à-dire l'invoquer, en demandant des choses que seul Allah peut accomplir. Donc, votre jugement, le shirk. Ces gens-là, tu trouves beaucoup chez qui? C'est chez les soufis. Chez les soufis. Beaucoup, ils font ça. Ils font le tawaf autour des tombes. Ils invoquent la tombe, du moins celui qui est dans la tombe, car pour eux, c'est un wali, pour qu'il intercède auprès d'eux, auprès d'Allah pour eux. Hein? Non, ce sera pas accepté. Pourquoi? Parce que c'est un mot shirk. Et Allah n'accepte que des gens de la foi. Hassan, naam. Tayyib. Sanakifouda, l'yom, waradan, shalanokmi le baqi. Fa ila huna, walhamdulillahi rabbil alamin.